feu, les filles. Allez, on va! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut à toutes et à tous, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne, sur RIG, non même pas chez moi. Je m'y ferai jamais. Limite sur l'habitude d'être diffusé le mercredi de 22h à minuit sur l'antenne de RIG. Et pour cause de confinement, on le fait depuis la maison. Voici un rendez-vous, le rendez-vous de 17h le lundi, le mercredi et le vendredi que je vous donne, voilà, chaque semaine. Et ça, jusqu'à qu'on me libère, enfin. Bienvenue à toutes et à tous à ce rendez-vous, à ce nouveau rendez-vous, le hors-série numéro 5. Aujourd'hui, on va aller surfer hein, sur les petits tipiaques que Johnny a pu nous faire pendant quelques années. Enfin, moins qu'on l'a pu vous éditer pendant quelques années. Mercredi, on avait quitté l'année 1981, on va retrouver l'année 1982 et on va aller jusqu'à l'année 1998, jusqu'au Zénith, les répétitions donc du fameux Stade de France 1998. Installez-vous bien, hein, partagez un petit peu cette connexion, dire un peu à tout le monde que il y a une émission sur Johnny ici, sur Facebook, live, et c'est l'émission Johnny de A à Z. Je vous propose de retrouver d'ici quelques secondes le Cap d'Agde de 1983, on va voir aussi les Sunday Rock, on va retrouver Nîmes 1988, ah oui, un fameux tipiaque aussi qu'on adore et qu'on diffuse très souvent dans cette émission Johnny de A à Z. On va retrouver aussi les Francopholies, le Midem à Cannes en 1995 et on finira par le Zénith 98. Mais on commence tout de suite par la première du Palais des Sports en 1982, c'était le 14 septembre 1982. Et Johnny avait interprété quelques chansons pendant les 2-3 premières sessions. Et il ne les a pas reprises pour le reste de cette fameux Palais des Sports 1982. Je parle des titres « Deux étrangers derrière l'amour » et « Sans profession ». On les retrouve tout de suite sur l'antenne de RIG, chez moi. Je n'y fais pas. On est ensemble pendant un peu plus d'une heure, hein, c'est ça. On va essayer de tenir le rythme. Allez, bonne émission à toutes et à tous. C'est parti, Johnny Hallyday, 1982 jusqu'à 1998. Cause it's all day. Vous êtes dans l'émission Johnny de A à Z, qui officie maintenant le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 17h. Nous sommes actuellement au Palais des Sports le 14 septembre 1982. Voici un truc que Johnny a abandonné en cours du Palais des Sports. Derrière l'amour. Toute une chaîne de pourquoi question. Que l'on se pose. Il y a des tas de choses. Les fleurs qu'on garde sur le cœur et les regrets. Il est mon cœur, des souvenirs éblouissants, et des visions de néant. Donne-moi, donne ton cœur, pour vivre et pour y mourir. Aime-moi, viens pas plus tard, empêche-moi. Derrière ton amour, qu'est-ce qu'il y a? Qui est cette femme auprès de moi? Quand tu me dis je t'aime, elle vient à moi que tu m'aimes. Et lorsque tu me fais l'amour, est-ce que tu fais, oh frère mon amour, derrière ce temps migratoire, tu m'as interdit d'aller voir. Donne-moi ton cœur, pour y vivre, et pour y mourir. la musique de Bruno Victoire, mon guitariste. Johnny de A à Z ici à la maison. Et là, nous quittons le palais des sports pour retrouver le Cap d'Agde en 1983. Johnny va nous interpréter trois chansons. Montpellier, maintenant, pour ceux qui s'aiment, et laisse-moi une chance. Ça va? Est-ce que vous passez de bonnes vacances? Hier, j'ai payé 230 à Montpellier. J'ai souri au radar photographié. Les flics m'ont dit, Johnny, tout de même, il n'y a donc personne que tu. tu aimes. On dirait que tu me tues, moi ça m'a fait marrer. 4 heures après dans un bar à Paris, une fille m'a dit, tu m'offres un whisky. Pour les chanteurs c'est trop facile, qui m'en est les 4 000. Ta gueule on va t'agacer, mais ça m'a fait marrer. Je suis comme ça, je peux pas changer. Je vis en sursis, car dans un danger. Le docteur m'a dit, toc toc, à 150, ton cœur devrait se faire pote avec une ambulance. À force de battre à ce tempo, il va te taper dans la peau. Un jour tu vas craquer, moi ça m'a fait marrer. Oui, je suis pas du genre micro, bravo Toto. J'aime bien terminer tard mon numéro. Je vais jusqu'au bout de la nuit, on va jusqu'au bout de la nuit. Et quand je veux engueuler, moi je me fais marrer. Je suis comme ça, je peux pas me changer. J'ai une pierre qui va, un ange en danger. J'ai la tendance sur la vie, un mal faire après tant pis. De l'autre entité, mais t'es changé. Oui, je vis en sursis d'un ange en danger. À Montpellier, j'ai soumis au radar photographié. Les flics m'ont dit, Johnny, tout de même, mais y'a d'autres personnes que tu aimes. On dirait que tu me tues, moi ça m'a fait marrer. Je suis comme ça, je peux pas changer. Je vis en sursis d'un ange, je vis en sursis d'un ange, je vis en sursis d'un ange en danger. Une chanson que j'aimerais dédier tout personnellement à uniquement uniquement pour tous ceux pour ceux qui s'aiment avec et toujours bleu, pour ceux qui s'aiment une chanson toujours pour deux. Ceux qui s'aiment ont le temps, ils oublient le présent, rien ne peut séparer ceux qui s'aiment. Ceux qui s'aiment, un retard, c'est une absence. Pour ceux qui s'aiment, la colère devient silence. Ceux qui s'aiment en les nuits, ils oublient leur défaite, c'est l'amour qui guérit. Ceux qui s'aiment, oui, chanter l'amour, c'est comme chanter. Nous sommes actuellement au Cap d'Agde en 1983. À l'instant, pour ceux qui s'aiment, on passe de suite à Laisse-moi une chance. Merci. Vous écoutez Johnny de la Z, ici à la maison. Voici maintenant une autre belle chanson que vous n'avez pas entendue encore. Une chanson que j'ai enregistrée à Nashville. Vous ne l'avez pas entendue parce qu'elle ne sortira qu'en septembre. Donc ce soir, je la chante pour vous. Et une chanson qui a été composée par Bill Doreen. Tous les deux, tous les deux. plus de 300 jours pour te voir manger le vieux pain. Ou depuis 4 ans, ça fait la longue. Oh, les bonnes chances. Ah! Oh, tu sais ce qu'on fait mieux. Oh, c'est la peine. On quitte 1983 pour arriver à 1984. En 1984, Johnny animait avec Sam Bernett les Sunday Rock. C'était, on entendait à la radio RTL de juillet à août, alors que Johnny les avait enregistrés de mai à juin. Et il a fini au grand studio de RTL pour faire un concert de plus de 2 heures. Et on va découvrir, entre autres, parmi toutes les chansons qu'il a pu chanter en direct, il y avait Si j'étais un charpentier, et ils auront aussi un duo, That's Right Mama et plus personne. Je suis appelé Marie, voulais-tu alors m'épouser, porter notre enfant. Ma maison ne serait pas le palais d'un grand roi, je l'aurais construite pour toi, seul avec mes mains. Tu dois être forte quand notre fils sera un homme et aura beaucoup à faire. Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Marie, mon âme serait sèche et dure et les tiennes si fragiles. de A à Z ici à la maison et tous les 17h le lundi, le mercredi et le vendredi. En route au Junaïdé en province, nous sommes à présent à Mont-de-Marsan en 1988 et on aura aussi Nîmes en 1988 avec un classique de l'émission Johnny de A à Z. Continue. Le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 17h.

Ainsi s'achève l'été 1988. Nous retournons maintenant en été 1991 du côté de La Rochelle. Le 14 juillet 1991, les Francopholies. Vous écoutez Johnny de A à Z. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Prochain rendez-vous, ça sera lundi. Mais ce n'est pas fini. C'est écrit dans tes yeux. C'est toujours Francophonie, ça n'est pas 91. Quand tu parles de ta vie. Le titre est mon. C'est écrit dans tes rêves. Dans tes moindres envies. C'est ta force qui te porte. J'en ai besoin aussi. C'est écrit quand tu danses, quand tu fermes les yeux. Rien n'a plus d'importance. Rien de ce qu'on a à bout. Si c'est ton corps qui bouge, c'est ton cœur. Et tout. De te voir changer, de te voir bouger, de te voir crier sans plaisir, de te voir vibrer, de te voir te lever, de te voir crier. Et désir, et désir. Hey, let me, yeah. Oh, oh, oh. C'est écrit dans tes mains. Quand elles suivent ma voix, et c'est écrit sur ta bouche. Je vois ton sourire. Comme tu peux partir loin quand la musique est là.

Grand Johnny dans toute sa splendeur. Et voici Johnny Live à Cannes avec une autre version de l'envie, ce coup-ci avec toute la bande de musicos anglais et ricains de la tournée Rough Town. On va dans l'obscurité, et la lumière. Donne à la fin la soif, ils ont un festin. Qu'on enlève ce qui est là et secondaire, que je retrouve le prix de la vie enfin. On me donne la fête pour que j'aime dormir. On me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour aimer à des femmes. Et tous ces misères, pour respecter leur plan. Pour que j'aille être sain, battre la maladie. Pour que j'aime la nuit, pour que j'aime le jour. Pour que j'aime le jour, comme de la nuit. Pour que j'aime aujourd'hui, oublier toujours. En direct ici dans l'émission Johnny de AZ. Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm going down to shoot my lady. I caught her messing around with another man. I'm going down to shoot my lady. You know I caught her messing around with another man. Hey Joe, I heard you shot your woman down. Hey Joe, yeah, I shot my woman down. Yes, I did, I showed up. I caught her messing around with another man. quitte à présent Cannes pour revenir à Paris. Et du côté du Zénith, en 1998, Johnny répétait juste avant la grande sortie, la grande rentrée même, je dirais, la grande rentrée en septembre au Stade de France, pour son premier Stade de France. On va le retrouver sur deux titres, Dégage et Allumez le feu. Et vous écoutez toujours Johnny de A à Z, le lundi, le mercredi, le vendredi, à partir de 17h. Voici le titre de cette émission Johnny de A à Z, Allumez le feu, toujours en direct du Zénith de Paris et répétition du Stade de France 1998. Cette définition, Johnny DLZ spécial live. Oh, je suis baryonné de partout. Oh, on est que je suis dans discothèque, on appelle ça. Je vous remercie toutes et à tous d'avoir participé, d'avoir écouté cette émission. Et vous êtes toujours de plus en plus nombreux à écouter cette émission Johnny DLZ lundi, le mercredi, le vendredi à partir de 17h. On se donne rendez-vous lundi, bien sûr. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Et puis n'hésitez pas à réécouter cette émission en podcast sur YouTube et sur Facebook. À bientôt. Ciao, ciao.